Vous savez, n'est-ce pas? Oui, nous savons. Je ne peux pas le croire. Il doit y avoir une erreur quelque part. Tu ignores ce que nous étions en train de dire. Il vaut mieux pour lui qu'il ignore, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que maman vient de s'employer à tout mettre sur le dos du jeune homme qui a fait le malheur de cette fille. Gladys! Elle a fini en disant qu'on ne devrait pas le laisser impuni. Ça suffit, Gladys. Ah, on ne peut pas dire que tu m'aies facilité les choses un moment. Mais Eric, je ne pouvais pas savoir qu'il s'agissait de toi. Et puis ça ne te ressemble pas, tu ne vois pas. Mais si, il voit, Lady. Mouchard! Oh non, Eric, tu es injuste. J'aurais pu le lui dire il y a des mois, mais naturellement je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait ce soir parce que je savais que tout était en train de se découvrir. Que tout allait nécessairement se découvrir. Oh, Gladys, je ne comprends pas ton attitude. Moi non plus. Si tu avais le moindre sentiment de loyauté. Écoutez, monsieur Bernier, je vous en prie, vous aurez tout le temps de réviser vos relations de famille quand je serai pas. Alors? Pourrais-je d'abord avoir quelque chose à boire? Ah non. Oui. Comment? Oui. Oui, oui, oui, c'est votre fils, hein. Et vous êtes ici chez vous. Mais regardez-le. Il a besoin de boire, ne serait-ce que pour se soutenir. Bon, ben alors serre-toi. Je commence à comprendre beaucoup de choses que je ne comprenais pas auparavant. Taisez-vous, mon temps est compté. Quand avez-vous rencontré cette jeune femme pour la première fois? Un soir de novembre dernier. Et où l'avez-vous rencontrée? Dans la rue. Je venais de quitter quelques copains. Je crois que j'étais un peu parti. Elle vous avait racolé? Non, c'est moi qui l'ai abordée. Quelle heure était-il? Je sais pas au juste. 11 heures passées, en tout cas. Oui, oui, c'était après la fermeture des pubs. Oui, et que faisait-elle dans la rue à une heure pareille? Elle rentrait chez elle. Elle travaillait dans un restaurant, comme serveuse. Oh, pas quelque chose de régulier, c'était un remplacement. Donc, vous l'avez abordée. Et ensuite? Nous avons fait quelques pas ensemble. Elle vous a suivi sans difficulté? Ah non. Non, elle ne voulait pas que je l'accompagne. Mais je crois que j'étais dans un état où on devient facilement méchant. J'ai dû la menacer de faire du scandale. Enfin, toujours est-il qu'elle a cessé de protester, qu'elle m'a suivi. Et vous avez passé la nuit avec elle? Non. Enfin, oui, presque. Oh, Gladys, emmène ta mère dans sa chambre. Mais je veux que... Tu as entendu ce que je te dis? Va, si bien. Et quand avez-vous revu? Environ une quinzaine plus tard. Vous lui aviez donné rendez-vous? Non. Je me souvenais à peine d'elle. Le premier soir, tout avait été tellement vague. Mais je l'ai revue par hasard. Au bar du palace. Nous avons pris quelques verres ensemble. Et je crois qu'à l'heure de la fermeture, j'étais plutôt gay. Oui. Et elle était gay, elle aussi? Oui, oui, un peu, oui. Mais c'est surtout parce que ce jour-là, elle n'avait pas eu grand-chose à manger. Elle était de nouveau sans travail. Oui, et vous pensez qu'elle était allée au bar du palace pour trouver un client? Je sais pas, je pense pas, non. Enfin, peut-être, mais en tout cas, c'était la première fois. Elle était à bout de ressources. Oui, et ensuite? Vous avez pris... Je l'ai raccompagnée chez elle. En copain. En copain? Oui, et naturellement, vous avez passé de nouveau la nuit avec elle. En copain? Oui. Vous savez, c'est pas que j'étais amoureux d'elle, mais... Oui, elle me plaisait, elle était jolie, elle était bonne fille. Et vous avez pris des dispositions pour vous revoir? Oui. Et quelque temps après, elle m'a dit qu'elle pensait qu'elle était enceinte. Et naturellement, tu l'as cru? Ah oui, je l'ai cru. Bon. Et je suis sûr qu'elle disait la vérité. Enfin, pauvre idiot! Laissez-vous! Continuez. Et je suis sûr que j'étais le père. Elle n'était pas comme les autres, vous savez. Et puis, je crois que le premier soir, j'avais... Oui, oui, et naturellement, elle était très ennuyée. Ah oui, oui, moi aussi, j'étais très ennuyée. Ça, je me suis vu dans un sacré pétrin. Oui, et elle vous a laissé entendre que vous deviez l'épouser? Non, non, non, elle ne voulait pas que je l'épouse. Elle me disait que je ne l'aimais pas, que je... En un sens, elle me traitait comme si j'avais été un gosse, alors que j'étais presque aussi âgé qu'elle. Et qu'avez-vous décidé? Eh bien, comme elle n'avait guère le cœur à essayer de trouver du travail et qu'il ne lui restait plus un sou... Je l'ai forcée à accepter de quoi vivre, jusqu'au jour où elle n'a plus voulu de mon argent. Et combien lui avez-vous donné en tout? En tout, environ 50 livres. 50 livres? En plus de ces beuveries, où as-tu trouvé 50 livres? Oui, c'est également la question que je vous pose. Je les ai pris au bureau. Au bureau? À mon bureau? Oh, oui! Vous voulez dire que vous avez volé cet argent? Ah non, non, pas exactement. Mais comment ça, pas exactement? Je suis désolée, John. Mais il fallait absolument que je sache ce qui se passe. Mais je vais te le dire, ce qui se passe. Ton fils vient d'admettre qu'il était responsable de l'état de cette fille. Et en plus, qu'il l'a entretenue avec de l'argent volé à mon bureau. Eric, tu as volé de l'argent? Non, non, pas exactement. J'avais l'intention de le rembourser. Nous avons déjà entendu cette histoire. Comment as-tu pu le rembourser? Je me serais arrangé d'une manière quelconque. Il me fallait de l'argent. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment tu as pu prendre de l'argent au bureau sans que quelqu'un s'en aperçoive. Il y avait des factures à encaisser. J'ai demandé à être payé en espèces. Ah, et tu as donné le reçu de la firme et gardé l'argent, c'est ça? Oui. Là, il va falloir que tu me dresses une liste de ces factures. Mais enfin, pauvre idiot. Pourquoi n'es-tu pas venu me trouver quand cette tuile t'est tombée sur la tête? Pourquoi? Parce que tu n'es pas le genre de père que l'on peut aller trouver quand on a des ennuis, voilà pourquoi. Ah, parle-moi sur un autre ton, hein. Une question encore et ce sera tout. Ainsi, Eva Smith a refusé d'accepter votre argent quand elle a su que c'était de l'argent volé, n'est-ce pas? Oui. Et ça a été le pire. Elle n'a plus rien voulu accepter de moi. Même elle a refusé de me revoir. Donc, comment savez-vous ça? C'est elle qui vous l'a dit? Elle l'a dit à maman. Gladys, quoi? Il faut bien qu'il le sache. Elle te l'a dit? Elle est venue ici? Ah non, c'est pas possible. Elle savait pas où j'habitais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ne faites pas cette tête, hein. Dites-moi ce qui s'est passé. Eh bien, je vais vous le dire, moi. Après avoir rompu avec vous, elle est allée demander un secours à votre mère. Et votre mère lui a refusé ce secours. Mais alors c'est toi qui l'as tué. Eric, elle est allée à toi pour me protéger. Et tu l'as chassée, oui. Et tu l'as tuée. Et tu as tué aussi l'enfant qui l'avait tué. Mon enfant. Eric, je ne te... Tu les as tués. Tu les as tués tous les deux. Eric, je te dis. Assez. Ça suffit, hein. Taisez-vous et écoutez-moi. Et pas besoin d'en savoir davantage. Ni vous non plus, d'ailleurs. Eva Smith est morte. Et vous avez tous contribué à sa mort. Rappelez-vous bien ça. Ne l'oubliez jamais. Mais je crois bien d'ailleurs que personne ne l'oubliera jamais. Souvenez-vous, Mrs. Burling, elle est venue vous demander une aide à un moment où nulle femme ne pouvait en avoir plus besoin. Et vous lui avez refusé cette aide. Vous vous êtes servi d'elle pour terminer dignement une stupide soirée de beuverie, comme si elle était un animal, un objet, et non pas un être humain. Vous? Je sais. Je lui ai fait perdre sa place. C'est moi qui ai tout déclenché. Non, non, non, mais vous y avez contribué, certainement. C'est vous qui êtes à l'origine de tout, Mr. Burling. Elle avait osé vous demander 25 shillings par semaine, au lieu de 22 shillings 6. Vous la lui avez fait payer cher. Mais elle va vous le faire payer plus cher encore. Écoutez, inspecteur, je donnerai des millions. Vous offrez votre argent à un mauvais moment, Mr. Burling. Non, je ne crois pas qu'aucun de vous oubliera jamais. Et voilà. Eva Smith est morte. Mais il y a encore des millions d'Eva Smith et de John Smith qui restent encore parmi nous, tout entremêlés à nos vies, avec leurs espoirs et leurs craintes, leurs souffrances et leurs chances de bonheur. Nous ne vivons pas seuls. Nous sommes tous solidaires les uns les autres. Et je vous dis, moi, que si les hommes ne comprennent pas cette vérité, on la leur fera comprendre. Bonsoir. Dans tout ceci, c'est toi seul que je blâme. Ça ne m'étonne pas. Oui, oh, mais tu ne t'en rends pas encore compte de ce que tu as fait. À l'enquête, la plus grande partie de cette histoire va être étalée au grand jour. Il y aura un scandale public. Si tu savais comme je m'en fiche. Oh bien sûr, tu t'en fiches, toi. Mais pas moi. J'étais presque sûr d'être anobli à la prochaine promotion. Anobli? Et qu'est-ce que ça peut te faire maintenant que tu sois anobli ou non? Oh ben, bien sûr, pourquoi? Rien d'importance. Hein. Mais il y a peut-être quelque chose qui te touchera. C'est de savoir que jusqu'à ce que le dernier sou de cet argent que tu as dérobé ait été remboursé, tu travailleras pour rien. Et plus question de ces beuveries en ville et de ces aventures galantes. Je l'espère bien, Eric. J'ai vraiment honte de toi. Évidemment, il y a de quoi. Mais n'oublie pas que j'ai autant honte de vous. Oui, de vous deux. Moi, je t'en prie. Ta mère et moi, nous avions toutes les raisons d'agir comme nous l'avons fait. Ça a mal tourné, un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Quoi, qu'est-ce que tu as encore à dire, toi? Oh, je ne sais pas où commencer. Eh bien, ne commence pas, personne ne te le demande. Mais j'ai mal agi, moi aussi, j'ai honte de moi-même. Mais maintenant, vous. Vous êtes en train de faire comme si presque rien n'était arrivé. Mais vous semblez ne rien avoir appris. Ah non? Ah ben, en fait, tu te trompes tout à fait, j'en ai appris long ce soir. Alors, quand je pense à ce que j'éprouvais, quand nous étions là, tous les cinq, assis à cette table. Ah oui? Et tu te rappelles ce que tu nous as dit après dîner à Gérald et à moi? Quand tu étais si fier de toi, tu te rappelles? Chacun pour soi et Dieu pour tous. Et là-dessus, l'inspecteur est entré. Seulement, je ne t'ai pas entendu lui dire que c'était chacun pour soi. C'est à ce moment-là que l'inspecteur est arrivé. Juste après que papa a dit ça. Oui, pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il y a encore, Gladys? Mais c'est bizarre. C'est très bizarre. Oui. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Car moi aussi, il m'a intriguée. Ses manières étaient si extraordinaires, à la fois si grossières, si péremptoires. Oui. Et pense à la façon dont il m'a parlé. Enfin, il devait pourtant savoir que j'avais été conseiller municipal, que j'étais magistrat, que j'étais quelqu'un. Mais vous remarquez que nous lui avons presque jamais rien dit qu'il ne sut déjà. Ça ne prouve rien. Il était en possession de quelques renseignements laissés par cette fille et il a formulé quelques hypothèses à droite. Mais quand j'y repense, ce qui me confond, c'est comment vous avez pu pareillement vous laisser tirer les vers du nez. Mais il nous a forcé à avouer. En tout cas, moi, il ne m'a pas forcé à avouer, comme tu dis. Oh, maman. Oh, je lui ai dit très nettement que je considérais n'avoir fait que mon devoir. La vérité, c'est que vous vous êtes laissé bluffer. Ah oui, oui, bluffer. Il fallait lui tenir tête. Tu lui as tenu tête, toi? Non, non, parce que tu avais déjà admis avoir pris cet argent. Alors quelle chance avais-je après cela? Bon, j'étais stupide de ne pas insister pour le voir seul. Ça n'aurait servi à rien. C'est évident. Oh, taisez-vous. On dirait vraiment que vous prenez votre parti contre nous. Non. Maintenant, contentez-vous de vous taire. Et de laisser parler votre père. Qu'il puisse décider s'il y a quelque chose à faire. Oui. Il va évidemment falloir faire quelque chose, mais... Mais quoi? Qui ça peut-il être? J'y vais? Non, non, Edna va ouvrir. Je lui ai demandé d'attendre et de ne pas aller se coucher pour nous faire du thé. C'est peut-être Gérald qui revient. Ah ben bien sûr, je ne pensais plus à lui. Minta Croft. Entrez, Gérald. Vous n'en voulez pas d'être venu? Mais non, Gérald, non, bien sûr que non. L'inspecteur est parti depuis longtemps. Il y a quelques minutes, pourquoi? Cet homme n'était pas de la police. Quoi? Vous en êtes sûr? À peu près sûr. Dans la rue, j'ai rencontré un policeman que je connais. Je l'ai interrogé sur l'inspecteur Gould. Eh bien, il m'a juré qu'il n'y avait pas d'inspecteur Gould, ou qui que ce fût lui ressemblant, dans la police de Bromley. On nous a eu. Bon sang. Un imposteur. Je m'en assurais sur le champ. Qu'est-ce que tu vas faire? Appeler le commissariat de police. Prends garde à ce que tu vas dire. Non, bien sûr. Allô? Allô, le 8752, s'il vous plaît. De toute façon, je comptais l'appeler. J'ai eu des soupçons tout le temps. Allô? Allô? Pourrais-je parler au colonel Roberts, s'il vous plaît? Pour Mr. John Burley. Allô? Roberts? Ici Burley. Excusez-moi de vous déranger à une heure aussi tardive, mais je voudrais vous demander un petit renseignement. Pourriez-vous me dire si récemment a été nommé ici un certain inspecteur Gould. Oui, Gould, G-2-O-L-E. Oui, un nouveau. Bon, un homme d'une cinquantaine d'années. Oui. Oui. Voilà qui règle la question. Non, juste une petite discussion que nous avions entre nous. Oui. Merci. Bonsoir. Il n'y a pas d'inspecteur Gould dans toute la police de Bromley. Comme dit Gerard, on nous a eu. Oh, j'en ai eu tout le temps l'impression. Il ne s'exprimait pas comme un policier. Je ne pouvais pas imaginer un véritable inspecteur de police nous parlant sur ce ton. Si vous le savez, ça fait une sacrée différence. Je dirais même que ça change tout. Je suppose que nous sommes tous des gens bien, maintenant. Si tu n'as plus de rien de plus sensé à dire que la liste du premier de Totter. Elle a raison, pourtant. Mais toi aussi, le premier de Totter. Si cet homme avait été un véritable inspecteur et qu'il t'ait entendu avouer... John! Oui. Voyez-vous, Gerald, vous n'avez pas le droit de connaître le restant de nos crimes et de nos faiblesses. C'est très bien ainsi, je n'en ai pas envie. Que pensez-vous de cette affaire, maintenant? Une mystification. Évidemment. Quelqu'un a incité ce type à venir nous mystifier. Il y a des gens à Bromley qui me détestent assez pour ça. Non, visiblement, cet homme ne nous aimait pas. Il était prévenu contre nous. Sans aucun doute, un socialiste ou quelqu'un d'ergumène de ce genre. Nous aurions dû tous nous en rendre compte. En d'autres temps, je crois que je n'aurais pas donné dans le panneau, mais venant comme ça, après notre petite fête, j'ai été pris de court. Ah, je regrette bien de n'avoir pas été là quand cet individu est arrivé. Je lui aurais posé quelques questions avant de lui permettre de nous en poser à nous. On peut toujours dire ça maintenant. Oh, j'étais la seule d'entre nous à lui tenir tête. Et maintenant, parlons tranquillement et raisonnablement pour savoir s'il y a quelque chose à faire. Tu as absolument raison, monsieur. Nous avons déjà appris un fait important, c'est que cet homme était un imposteur et qu'il nous a mystifiés. Mais ça ne s'arrête peut-être pas là. Eric, je t'en prie, assieds-toi. Ne reste pas planté là, comme si quoi? Comme si tu n'avais rien de commun avec nous. Rappelle-toi quelle est ta situation. Si quelqu'un est jusqu'au cou dans cette histoire, c'est bien toi, alors tu pourrais t'y intéresser un peu. Mais je m'y intéresse, figure-toi. Je m'y intéresse même trop, malheureusement. Moi aussi. Bon, alors, écoutez-moi. Ce que nous avons à faire, c'est de garder notre sang-froid. Maintenant, c'est notre tour. Notre tour de quoi faire? De nous comporter d'une façon sensée, Gladys. Ce qui, je le crains, est au-dessus de tes forces. Mais à quoi bon parler de se comporter de façon sensée? Enfin, cette fille est toujours morte, non? Et personne ne l'a ressuscitée, que je sache. Quel que soit ce type, ça ne retire rien à ce que j'ai fait. Autant que vous le sachiez, Gerald. J'ai volé de l'argent, Fred. Mais ça m'est égal qu'il le sache, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce qui est arrivé à cette fille, ce que nous lui avons tous fait. Et là-dessus, mes sentiments sont toujours les mêmes. Alors voilà pourquoi je ne suis pas d'humeur à m'asseoir et à parler gentiment. Eric a absolument raison. Bon Dieu! Hey, excuse-moi, ma chérie, mais ils sont tellement exaspérants. Ils veulent tout bonnement pas comprendre quelle est notre position. Ils ne veulent pas voir la différence qu'il y a entre des choses que l'on découvre comme ça, en privé, et un scandale public. Moi, je vous dis que cette fille est morte et que nous avons tous contribué à la tuer. Et moi, je te dis, ou bien tu vas cesser de hurler, ou bien tu vas les guimper. De toute façon, je connais beaucoup de pères qui, à ma place, t'auraient déjà chassé. Alors, si tu tiens à rester, tiens ta langue. Oh, bah, alors, tu sais, maintenant, je m'en fiche bien de rester ici ou de m'en aller. Mais de toute façon, tu resteras le temps de me rendre compte de cet argent que tu as dérobé et de me rembourser. Ce n'est pas cela qui ressusciterait Eva Smith, n'est-ce pas? Et ça ne changera rien au fait que nous avons tous aidé à la tuer. Mais est-ce un fait? Mais bien sûr! Et vous ne savez pas tout encore. Je suppose que vous allez nous prouver maintenant que vous n'avez pas passé l'été dernier avec cette fille, hein? Non, effectivement, j'ai eu une maîtresse l'an dernier. Et je vous demande pardon, Gladys. Je dois admettre que vous vous en tirez mieux que nous autres. L'inspecteur lui-même l'a dit. Ce n'était pas un inspecteur. Bon, cessons de jouer à cache-cache. À nous tous, nous avons poussé cette fille au suicide. Mais en êtes-vous tellement sûr? Non, réfléchissez un instant. Un homme qui se dit de la police se présente ici. Et que fait-il? S'aidant de renseignements glanés ça et là, il parvient à nous faire croire que nous avons tous été plus ou moins mêlés à la vie d'une certaine jeune femme. Ce qui est le cas. Mais comment savons-nous que c'est la même jeune femme? Nous l'avons tous admis. Oui, vous avez tous admis avoir eu affaire d'une manière quelconque à une jeune femme. Mais comment savez-vous que c'est la même? Écoutez, Mr. Darling, il y a près de 2 ans, vous avez chassé une ouvrière nommée Eva Smith. Vous avez oublié ce fait. Mais cet homme vous montre la photo de cette ouvrière. Et la mémoire vous revient, exact? Oui, jusqu'ici c'est exact, mais ensuite? Ensuite? Eh bien, cet homme sait que Gladys a fait renvoyer une employée de chez Millwards. Il dit que c'est la même personne. Et il montre à Gladys une photo qu'elle reconnaît. Oui, mais la même photo! Comment savez-vous que c'est la même? Avez-vous vu celle que votre père a regardée? Non. Et votre père a-t-il vu celle que cet homme vous a montrée? Ah non. Nous n'avons pas la moindre preuve que c'était la même photo. Donc, pas la moindre preuve que c'était la même personne. Hop, passons à moi maintenant. Rappelez-vous, notre inspecteur ne m'a pas montré de photo à moi. Il a simplement dit qu'Eva Smith avait pris le nom de Daisy Renton. Et moi, je me suis trahi sur le champ parce qu'effectivement, j'ai connu une Daisy Renton. Il n'y a pas la moindre preuve que cette Daisy Renton fût en réalité Eva Smith. Non, que s'est-il passé exactement après mon départ? Non, j'étais bouleversé parce qu'Eric venait de sortir. Alors cet homme me déclare inopinément que j'ai reçu à mon comité une Eva Smith quelques semaines auparavant et comme une idiote, j'ai répondu oui. Mais maman, maman, n'oublie pas qu'Alphonse Slide t'a montré une photo d'Eva Smith et que tu l'as manifestement reconnue. A-t-il montré la photo à quelqu'un d'autre? Ah non, il ne l'a montré qu'à moi. Alors, est-ce que vous ne voyez pas que nous n'avons toujours pas la moindre preuve que c'était la même personne? Il a très bien pu vous montrer la photo de n'importe quelle jeune femme ayant fait appel à votre comité. Et comment pouvons-nous même être sûrs que c'était la photo d'Eva Smith ou de Daisy Renton? Gérald a parfaitement raison. Ce type peut très bien avoir utilisé chaque fois une photo différente sans que nous nous en soyons rendus compte. Et chacun de nous peut très bien avoir reconnu une personne différente. Exactement. Eric, vous a-t-il demandé d'identifier une photo? Non, non. Quand il en est arrivé à moi, il n'avait plus besoin de photos. Mais manifestement, c'est la femme que j'ai connue qui est allée voir maman. Pourquoi? Elle a dit à maman qu'il lui fallait un secours, parce qu'elle ne voulait plus accepter d'argent volé. Or, c'est là ce que m'a dit celle que j'ai connue. Non, mais ça ne prouve rien, c'était sans doute des propos en l'air. Des propos en l'air qui se terminent par un suicide, non, non, non. Non, vous pouvez peut-être vous tirer sans trop de dommages de cette histoire, mais pas moi. Pas moi, ni maman, c'est bien nous qui avons tué cette fille. Mais quelle fille, Eric? Il y en a peut-être 4 ou 5 différentes. Peu importe, celle que j'ai connue est morte. Morte? Mais comment savons-nous qu'elle est morte? Voilà, vous y êtes. Vous y êtes. Comment savons-nous qu'une fille est morte aujourd'hui? Eh bien, réponds à cela si tu peux. Non. Envisageons les choses du point de vue de ce type. Nous, nous avons une gentille petite fête de famille et nous sommes tous assez contents de nous. Lui, il veut nous jouer un sale tour. Alors, la première chose qu'il est à faire, c'est de nous causer un tel choc qu'ensuite il pourra nous bluffer tout à son aise. Il commence donc par nous déclarer qu'une femme est morte pendant son transfert à l'hôpital après avoir avalé du chlorure de mercure. Qu'elle est morte dans d'atroces souffrances. Ça va, non, mais pas. Ah ben voilà, tu vois, rien que d'en reparler te bouleverse. Et c'est là ce qu'il voulait nous bouleverser. Nous, pour pouvoir ensuite nous interroger, nous faire parler tout à son aise. Jusqu'au moment où nous n'avons plus su où nous en étions. Il a bien dû s'amuser. Elle nous a bien eu. Oh, si je pouvais être sûr que c'était vraiment une mauvaise plaisanterie. J'en suis convaincu. Pas d'enquête, pas de scandale. Et pas de suicide. Nous pouvons le savoir sur le champ. Mais comment ça? En téléphonant à l'hôpital, ou bien il y a une morte. Ou bien il n'y en a pas. Ça ne va pas paraître un peu bizarre de téléphoner à cette heure-là? Si vous permettez, je vais téléphoner moi-même. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et s'il n'y a pas eu de décès? On va bien voir. Allô, l'hôpital. L'hôpital central, s'il vous plaît. Allô, l'hôpital. Ici, Mr. Gerald Croft. Croft Limited. Oui, nous sommes assez inquiets au sujet d'une de nos employées. Vous a-t-on amené aujourd'hui une jeune fille qui aurait tenté de s'empoisonner? Non, de se suicider d'une manière quelconque. Oui, j'attends. Ah, oui. Vous en êtes sûr? Merci. Merci, bonsoir. Aucune fille n'est morte à l'hôpital aujourd'hui. Ça fait des mois qu'ils n'ont pas eu de suicidés. Et ben voilà! La preuve est péremptoire! Toute cette histoire n'est qu'une vaste blague, une mauvaise plaisanterie. Oh, personne n'aime à être la victime d'une aussi mauvaise farce, mais malgré ça... Un whisky, Gérald? Merci, il sera le bienvenu. Ah, oui. Oh, vous avez raisonné très intelligemment, Gérald. Ça, je vous suis profondément reconnaissant. C'est que, voyez-vous, dans la rue, j'ai eu le temps de me remettre et de réfléchir un peu. Oui, c'est qu'il ne vous a pas tenu aussi longtemps que nous. Ben, ouais, maintenant, je dois bien avouer qu'il m'a fait un peu peur. Oui. Enfin, j'avais de bonnes raisons à ne pas vouloir être mêlé à un scandale, surtout en ce moment. Notre santé. Ah ben, Gladys ne fait pas cette tête. Tout est fini à présent. Tout? Mais non. Une partie seulement. Le pire. Mais tu oublies toujours une chose que moi je ne puis oublier. C'est que tout ce que nous avons dit être arrivé, est arrivé. Si ça n'a pas fini tragiquement, tant mieux pour nous. Mais ça aurait pu finir tragiquement. Mais enfin, tout est différent maintenant. Tu es quand même capable de comprendre ça, non? Vous avez tous contribué à sa mort. Oh, j'aurais voulu que vous ayez pu voir la tête que vous avez faite quand il a dit ça. Oh, ton inconscience me fait peur. Bonne, bonne. Et tu finiras par rire de ça comme moi, j'en suis sûr. Écoute, Gladys, tu ne crois pas que tu ferais mieux de demander à Gérald la bague que tu lui as rendue? Hein? Tu te sentirais mieux après. Mais à vous voir, on croirait que tout est exactement comme avant. Enfin, n'est-ce pas le cas? On nous a eu, un point c'est tout. S'il ne s'est rien passé, il n'y a rien à regretter, rien à apprendre. Nous pouvons tous continuer à nous comporter comme avant. Et pourquoi pas? Mais parce que peu importe qui était cet inspecteur, tout ce qu'il nous a dit ou fait dire était le contraire d'une plaisanterie. Cela, vous aviez commencé à le comprendre. Vous aviez même commencé à apprendre quelque chose. Mais maintenant, c'est fini. C'est fini, vous êtes prêts à retomber dans les mêmes erreurs. Mais pas à toi, n'est-ce pas? Oh non, pas moi. Moi, je me souviens de ce qu'il a dit. Je me souviens de son expression et de ce qu'elle m'a fait éprouver. Oh, votre inconscience me terrifie. Je suis incapable de vous écouter plus longtemps. Je suis du même avis que Gladys. Bon, ben allez vous coucher, au lieu de nous faire assister à vos crises de nerfs. Oh, mais ils sont exténués. Demain matin, après une bonne nuit de sommeil, ils verront les choses comme nous. Gladys, vous ne voulez pas reprendre la bague maintenant? Non, Gérald. Il est encore trop tôt. Il faut que je réfléchisse. Regardez-les-moi. Mais regardez-les-moi, ces dignes représentants de la fameuse jeune génération qui sait tout. Incapable d'entendre la plaisanterie. Allô? Oui, c'est Mr. Burling. Oui? Quoi? Ici. Oui. C'était la police. Une jeune femme vient de mourir pendant son transfert à l'hôpital. Après avoir avalé du chlorure de mercure. Un inspecteur est en route. Il vient nous poser quelques questions. Pardon, monsieur. Un inspecteur vous demande. Nous avons eu le plaisir d'interpréter ce soir devant vous Un inspecteur vous demande de J.B. Priestley. Dans une adaptation française de Michel Arnaud. Des décors de Roger Hart. Dans des costumes de Donald Caldwell. Mireille Delcroix. Jean Barnet. Géraldine Klein. Jacques Alric. Lise Delamar. Et le metteur en scène, Jacques Mouclair.